إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، شخص السر، On continue ce soir la lecture et l'étude du poème Al-Ha'iyah sur la croyance des gens de la Sunnah, écrit par l'imam Al-Hafidh Abdullah ibn Abi Dawud, rahimahullah ta'ala. Nous allons voir aujourd'hui, insha'Allah ta'ala, la parole de l'auteur dans ce poème dans lequel il nous a exposé un fondement immense parmi les fondements de la foi qui n'est autre que la foi au destin. Il a donc dit, rahimahullah, وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. Et au destin décrété, crois avec certitude, car il est un des piliers de la religion, et large la religion est. Donc dans ce vers, l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous exposer ce fondement qui fait partie des fondements de la croyance des gens de la sunnah, qui n'est autre que la foi au destin, qui est le sixième des piliers de la foi. En effet, lorsque Jibril alayhi salam est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'apparence d'un homme, il a interrogé au sujet des trois degrés de la religion: l'islam, l'iman, la foi, et l'ihsan, la bienfaisance. Lorsqu'il lui a dit « Informe-moi au sujet de l'iman, informe-moi au sujet de la foi », le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « La foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. » On voit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la foi au destin comme étant le sixième des piliers de la foi. Et la foi au destin est également mentionnée dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme au verset 2 de Surat al-Furqan, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Il a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, au verset 49 de Surat al-Qamar, إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. Nous avons créé toute chose avec mesure. C'est-à-dire toute chose qui se produit. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que cette chose allait se produire. Il l'a voulu et il l'a créé. Et il a décrété également la manière dont elle allait se produire et le moment où elle allait se produire. Donc toute chose est décrétée par Allah subhanahu wa ta'ala de tout point de vue. À l'exemple de la pluie, au sujet de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ » Et nous ne la faisons descendre que dans une mesure déterminée. Lorsque la pluie tombe, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété la quantité de pluie qui allait tomber. Il a décrété l'endroit où cette pluie allait tomber. Et il a décrété le moment où cette pluie tomberait. Allah subhanahu wa ta'ala a intégralement décrété cela. Et rien ne se produit dans cet univers sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le sache, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait décrété, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait voulu, et sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait créé. Ceci est le sens, d'un point de vue général, de la foi au destin. Et ceci est un fondement très important parmi les fondements de la croyance, au sujet duquel nombre de personnes se sont égarées. Parmi ceux qui ont tenté de comprendre ce fondement de par leur raison défaillante ou leur pensée déviante, et qui ne sont pas revenus au texte du Coran et de la Sunna pour puiser leur croyance. Ils se sont donc trompés et se sont égarés au sujet de la croyance au destin et au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce et sa miséricorde, a guidé les gens de la sunna à la croyance juste à ce sujet. Les gens de la sunna croient donc au destin comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut d'eux et comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit à ses serviteurs, c'est-à-dire en se conformant à ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna, comme on l'a vu, tel est l'habitude des gens de la sunna dans l'ensemble des chapitres de la croyance. Et nous allons voir, inshallah ta'ala, au sujet de la foi au destin, cinq questions qui vont nous permettre de savoir ce qui nous incombe à ce sujet. Donc la première question est: quel est le sens des mots al-qada ou al-qadar, que l'on traduit par le décret et le destin? Al-qadar, qui est le destin, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a destiné toutes choses, les a voulues et les a créées au moment venu. Ceci est le sens d'al-qadar, du destin. Et le mot al-qada, que l'on traduit par décret, est en réalité un synonyme qui désigne la même chose, sauf que al-qada a un sens plus large. Le décret a un sens plus large car il peut à la fois désigner le destin, mais il peut également désigner le jugement entre les gens. La deuxième question est: quel est le jugement de la foi au décret et au destin? La réponse est que la foi au décret et au destin est une obligation pour le croyant, car, comme on l'a vu, c'est un des six piliers de la foi. Et croire au décret et au destin revient à croire à la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala, à sa puissance. Et c'est pour cela que les prédécesseurs ont dit: Al-Qadar Qudratullah. Le destin, c'est la puissance d'Allah, c'est la capacité d'Allah. Celui qui le renie, il a certes renié la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a certes renié la puissance d'Allah. Et il est également rapporté que le qadar, le destin, c'est le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. C'est-à-dire que lorsque tu parles du destin, tu ne dois pas dépasser ce qui est mentionné dans les textes du Coran et de la Sunna. Tu ne dois pas chercher à approfondir à ce sujet, car le fait de se poser trop de questions à ce sujet mène à l'égarement et à la confusion. Car le destin est le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Aussi profondes soient tes recherches, elles ne te mèneront à aucun résultat. Car celui qui approfondit les recherches à ce sujet, il recherche en réalité une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cachée à ses créatures. Donc il te suffit de croire à ce qui est mentionné dans les textes. Et ce, afin d'éviter de tomber dans la confusion, l'hésitation et l'incertitude à ce sujet. Mais tu suis ce qui est mentionné dans les textes du Coran et de la Sunna, et tu affirmes le destin, tu affirmes Al-Qadr, tu crois en celui-ci, et ceci te suffit, bi-idhnillahi ta'ala. La troisième question concerne les degrés de la foi au destin. En effet, les gens de science ont mentionné que croire au destin implique nécessairement de croire en quatre choses, que l'on appelle les degrés de la foi au destin. Le premier est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait toute chose. Il sait ce qui a lieu, il sait ce qui a eu lieu, il sait ce qui aura lieu, et il sait même ce qui n'a pas lieu, si cela avait lieu, comment cela aurait lieu. Car la science d'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaite et englobe toute chose. Il dit subhanahu wa ta'ala au verset 59 de sourate al-An'am: وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'il ne le sache, pas même une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala: Ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Il sait ce qu'il cache et ce qu'il proclame. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que tu caches en toi-même et il sait également ce que tu proclames, ce que tu fais ouvertement, ce que tu dis ouvertement. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala: Wallahu alimum bidhati s-sudur. Allah sait parfaitement ce que renferment les poitrines. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait parfaitement ce que renferme ta poitrine, il sait ce que tu caches au fond d'elle. Il sait quelles sont tes intentions, il sait quelles sont tes pensées, et ainsi de suite. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala: Wa ya'lamu ma fi s-samawati wa ma fi l-ard. Il sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala: Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ard wa la fi s-sama. Rien sur terre ni dans les cieux n'échappe à Allah. Rien sur terre ni dans les cieux n'est caché à Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement toute chose. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, tout ce qui se passera, et même ce qui ne se passe pas et ne se passera pas, il sait si cela se passerait comment, cela se passerait. Tout ceci entre dans le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui englobe toutes choses, le passé, le présent et le futur. Et ceci est le premier degré de la foi au destin, que tu crois avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement toutes choses. Le deuxième degré est que tu aies la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit toutes choses sur la tablette préservée, Al-Lawh Al-Mahfouz. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit ce qu'il sait, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il a ordonné d'écrire ce qu'il sait qui se passera, subhanahu wa ta'ala. Il est certes venu dans le hadith rapporté par les imams Abu Daoud et Tirmidhi, rahimahumallahu ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première chose qu'Allah a créée est la plume. Et il lui a dit: écris. Elle répondit: que dois-je écrire? Il lui dit: écris tout ce qui se produira jusqu'à la venue de l'heure. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala a écrit les destinées des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, alors que son trône est sur l'eau. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Ceci est donc le deuxième degré de la foi au destin, que tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit toutes choses et que tout cela est écrit sur la tablette préservée. Et certains pourraient dire: mais qu'en est-il de ce dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam quant au fait qu'un ange est chargé d'écrire la destinée des fœtus lorsqu'ils se trouvent dans le ventre de leur mère? Comme cela est venu dans un hadith authentique rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. La réponse est que cette écriture concorde avec l'écriture qui a précédé, et que cette écriture provient de l'écriture précédente qui se trouve sur la tablette préservée. Et il en est de même quant à l'écriture qui a lieu durant la nuit du destin, durant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala décrète tout ce qui va se produire durant l'année, comme vie, comme mort, comme récolte, comme sécheresse, et ainsi de suite. Tout ceci est décrété durant la nuit du destin, et c'est pour cela qu'elle est appelée la nuit du destin, car Allah subhanahu wa ta'ala décrète durant celle-ci ce qui va se produire durant l'année. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, fiha yufraqu kullu amrin hakim, durant cette nuit, tout ordre sage est décidé. Donc la réponse à cela est la même que pour le hadith précédent. C'est-à-dire que l'écriture qui a lieu durant la nuit du destin provient de l'écriture générale qui se trouve sur la tablette préservée. Et la preuve concernant l'écriture tirée du Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 22 de Sourate Al-Hadid, dans lequel il dit: Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes sans qu'il ne soit consigné dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. C'est-à-dire que, avant même que ce malheur ne soit créé, il était consigné dans le livre, il était écrit et décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième degré de la foi au destin est le fait de croire que tout ce qui se produit ne peut se produire que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il ne peut pas se produire une chose qu'Allah ne veut pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre à son sujet qu'il est fa'alul lima yurid, il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. Il dit aussi inna Allah yaf'alu ma yasha, Allah fait ce qu'il veut. Et il dit au sujet des actes des serviteurs: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui le Seigneur de l'univers. Donc tout ce qui se produit dans cet univers, Allah l'a voulu, après l'avoir su et après l'avoir écrit sur la tablette préservée. Et le quatrième degré de la foi au destin est la création. C'est-à-dire que tout ce qui se produit est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala l'a su, il l'a écrit, il l'a voulu, puis il l'a créé. Il dit subhanahu wa ta'ala au verset 62 de Sourate Az-Zumar: Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Et il dit subhanahu wa ta'ala au verset 96 de Sourate As-Safat: Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé, vous et ce que vous œuvrez. Il vous a créé, vous et vos œuvres, vous et vos actes. Donc ceci sont les quatre degrés de la foi au destin. Et il est impératif pour le croyant d'avoir la certitude à ce sujet. De croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait toute chose. De croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit toute chose sur la tablette préservée. De croire que rien ne se produit sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute chose. Donc lorsqu'une chose se produit, Allah subhanahu wa ta'ala savait que cette chose allait se produire. Et Allah subhanahu wa ta'ala a écrit que cette chose allait se produire sur la tablette préservée. Comment elle allait se produire et ce dans les moindres détails. Puis au moment où cette chose devait se produire, Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Puis il l'a créée, subhanahu wa ta'ala. Ceci sont donc les quatre degrés de la foi au destin. La quatrième question que l'on va voir, liée au destin, concerne la croyance de ceux qui se sont opposés à la croyance authentique concernant le décret et le destin. Et se sont opposés à la croyance authentique deux groupes diamétralement opposés. Le premier groupe, ce sont Al-Qadariyya, qui ont renié le destin. Et le deuxième groupe, ce sont Al-Jabriyya, qui eux ont renié la volonté du serviteur. Et qui ont dit que le serviteur n'a aucun choix, ni aucune volonté, et qu'il est contraint à ce qui lui arrive. Donc concernant la croyance des Qadariyya, le premier à avoir eu cette croyance et à renier le destin est un homme de Bassora, du nom de Ma'bad al-Juhani. Et c'est de lui que s'est désavoué le noble compagnon Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma. Mais ceux qui ont porté cette croyance et en sont devenus les leaders, ce sont Amr ibn Ubayd et Wasil ibn Atta. Ces deux hommes qui se trouvaient dans une assise de l'imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, puis qui s'en sont écartés, i'tazala l'assise d'al-Hassan al-Basri. Et c'est pour cela qu'ils ont été appelés al-Mu'tazila, ceux qui s'écartent. Donc ceux qui ont renié le destin que l'on appelle al-Qadariyya, ce sont la secte des Mu'tazila. Ils ont donc dit, le serviteur crée ses propres œuvres, et ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui les décrète. Mais ce sont les serviteurs qui créent leurs œuvres indépendamment de la volonté d'Allah. Ils se sont donc attribués le destin à eux-mêmes, et c'est pour cela qu'ils ont été appelés Al-Qadariyya. Ils ont donc prétendu que le serviteur crée lui-même ses actes, crée lui-même ses œuvres, et cela sous-entend qu'ils ont affirmé l'existence de créateur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur. Et tout en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie de sa création. Donc, en disant que les serviteurs créent leurs propres œuvres, ils ont affirmé l'existence de créateur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est du shirk, du polythéisme, dans la seigneurie. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés les majus de cette communauté. Les majus, ce sont qui? Ce sont les adorateurs du feu. Ceux qui croient en l'existence de deux créateurs, qui disent la lumière crée le bien et l'obscurité crée le mal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé Al-Qadariyya aux Majus en disant qu'ils sont les Majus de cette communauté. Car eux, Al-Qadariyya, ils ont affirmé l'existence de nombreux créateurs, étant donné que ils ont affirmé que chaque serviteur, chaque individu crée ses propres œuvres. Et ceci est du shirk dans la seigneurie, dans Ar-Rububiyya. Donc telle est la croyance des Qadariyya, ceux qui ont renié le destin. Le deuxième groupe, c'est le groupe des Jabriyya, qui sont eux les suiveurs de Jahm ibn Safwan. On a déjà parlé de Jahm ibn Safwan et de Jahmiyya, et du fait qu'ils renient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils disent que le Coran est créé, qu'ils renient la descente d'Allah, et ainsi de suite parmi leurs égarements. S'ajoute à cela le fait qu'ils ont renié le fait que le serviteur est une volonté. Ils ont donc dit le serviteur n'a ni choix ni volonté, mais il est contraint à tout ce qui lui arrive. Tout ce qui se produit dans sa vie, il n'en a pas le choix et ce n'est pas lui qui l'a choisi. Comme si nous étions des marionnettes, que nous n'avions aucun choix ni aucune volonté, à l'exemple d'une plume qui se laisse porter par le vent, ou alors du mort lorsqu'il est lavé par celui qui vient le laver. Il lui lève ses bras et ainsi de suite. Ils ont donc dit le serviteur, il est contraint. Et il n'a ni choix ni volonté. On voit donc à travers cela que Al-Jabriyya, Ils ont exagéré dans l'affirmation de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point de nier la volonté du serviteur. Et inversement, Al-Qadariya, ils ont exagéré dans l'affirmation de la volonté du serviteur, au point de dire qu'elle est indépendante de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc que leur égarement, il provient, dans les deux cas, de l'exagération. Et le juste milieu entre ces paroles et la parole des gens de la Sunna, qui ont affirmé que tout ce qui se produit ne se produit que par décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre dans cela les œuvres des serviteurs, qui sont des créatures, comme on l'a vu dans le verset. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé, vous et ce que vous faites. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, elle a créé nos œuvres, mais en même temps, les œuvres que tu accomplis, tu les accomplis de ta propre volonté. Tu les choisis. C'est toi qui choisis de faire le bien ou de faire le mal. C'est toi qui choisis de faire une bonne action ou une mauvaise action. C'est toi qui choisis de te lever ou de t'asseoir, et ainsi de suite. Le serviteur, il a une volonté. Mais cette volonté, elle n'est pas indépendante de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le veuille. Et c'est pour cela que le serviteur est récompensé pour ses bonnes actions et qu'il est châtié pour ses mauvaises actions. Et si nous disions qu'il était contraint, comme l'ont dit les Jabriya, alors il n'y aurait aucun sens à la récompense et au châtiment, étant donné que le serviteur serait contraint de ses œuvres. Pourquoi serait-il récompensé et pourquoi serait-il châtié? Ceci serait une forme d'injustice qui s'oppose à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne demande pas de compte au fou qui a perdu la raison. Pourquoi? Car il n'a pas de volonté. Il n'a plus la raison, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est pour cela qu'il est venu dans le hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la plume est levée pour trois. L'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère, le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison, et celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Celui qui dort également, il n'a pas la raison. C'est pour cela que il ne lui est pas demandé de compte quant à ce qu'il pourrait faire durant son sommeil. Également celui qui est contraint à supposer qu'une personne soit forcée par d'autres individus à accomplir un acte ou à délaisser un acte. Celui-ci, en cas de réelle contrainte, il peut être excusé, car il n'aura pas fait la chose ou délaissé la chose de son plein gré. Donc tout ceci nous prouve que le serviteur a une volonté. Et c'est pour cela qu'il est récompensé pour ses bonnes actions et châtié pour ses mauvaises actions. Nous disons donc que, en ce qui concerne l'acte, l'acte est l'acte du serviteur. Mais en ce qui concerne le décret et la création de cet acte, alors il a été décrété et créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est prouvé très clairement par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 28 et 29 de Sourate At-Takwir. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, liman sha'a minkum an yastaqim. Pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur de l'univers. On voit donc dans le premier verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé que le serviteur a une volonté. Il a dit liman sha'a minkum. Pour celui d'entre vous qui veut. Celui qui veut suivre le droit chemin, qu'il le suive. Donc, ceci est une réfutation des Jabriya qui ont renié que le serviteur est une volonté. Et dans le second verset, c'est une réfutation des Qadariya. Car il dit subhanahu wa ta'ala, wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur de l'univers. Ceci nous montre que la volonté du serviteur n'est pas indépendante de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as ta propre volonté, mais tu ne peux rien faire sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset, il nous prouve la croyance correcte à ce sujet, qui est la voie du juste milieu qui n'est autre que la voie des gens de la sunna et du groupe. Nous disons donc que les bonnes actions et les péchés, ce sont les œuvres des serviteurs, mais en même temps, elles ont été décrétées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils les ont fait de leur propre volonté. Et c'est pour cela que l'homme, qui est doué de raison et qui n'est pas contraint, il peut œuvrer dans le bien ou délaisser les œuvres de le bien. Il t'est possible, si tu le veux, durant cette nuit, de te lever et prier. Nul ne te contraint à dormir. Si tu dors, c'est ton propre choix. C'est toi qui choisis les œuvres que tu accomplis. Nul ne t'y contraint. Tu as le choix d'œuvrer dans le bien et tu as le choix d'œuvrer dans le mal, selon ta volonté. Celui qui délaisse les bonnes actions, qui délaisse la prière, qui délaisse le jeûne, qui délaisse la zakat, il le fait de par sa propre volonté. Nul ne l'a contraint à cela. C'est lui qui a choisi cela. Est-ce que quelqu'un l'empêche de prier s'il veut prier? Est-ce que quelqu'un l'empêche de donner la zakat s'il veut la donner? Est-ce que quelqu'un l'empêche de jeûner s'il veut jeûner? Non. Personne ne l'en empêche. C'est lui qui a décidé de délaisser ses bonnes actions. Et c'est pour cela qu'il sera sanctionné pour son délaissement. De la même manière, celui qui veut faire le bien, celui qui veut faire la prière, celui qui veut faire des aumônes, celui qui veut jeûner, il le fait de par sa propre volonté. Personne ne l'a contraint à cela. Personne ne l'oblige à faire ses actes, mais il les fait volontairement, recherchant en travers cela la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le serviteur a sa propre volonté et cette volonté est soumise à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, avant que tu fasses l'action, il savait que tu allais la faire. Allah subhanahu wa ta'ala l'a écrite, Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu, puis Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Et ceux qui renient la volonté du serviteur, comme le font les Jabriya, en réalité, ils ne mettent pas en pratique leur croyance dans la vie de tous les jours. En effet, si une personne leur causait du tort, si une personne les frappe ou leur vole leur bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller réclamer leurs droits, se plaindre de cette personne, porter plainte, réclamer leurs droits devant les tribunaux et ainsi de suite. Pourquoi? Car ils ont été lésés. Mais s'ils étaient véridiques avec eux-mêmes quant à leur croyance, ils n'en voudraient pas à ce serviteur car, selon leur croyance erronée et infondée, ce serviteur serait contraint, il n'aurait pas le choix, il n'a pas de volonté. Donc pourquoi lui demander des comptes? Pourquoi se plaindre de sa transgression étant donné qu'il est contraint? Et c'est à ce sujet qu'on rapporte un récit d'une personne qui débattait avec un adepte de cette croyance erronée et qui lui dit que le serviteur n'a pas de volonté et qu'il n'a pas le choix. Alors le partisan de la vérité, afin de lui faire comprendre son erreur et l'égarement de cette croyance, il l'a frappé. Alors l'innovateur s'est mis en colère et s'est plaint de ce qu'il venait de lui faire. Il lui dit, mais pourquoi te plains-tu alors que selon tes prétentions je suis contraint? Pourquoi m'adresses-tu des reproches alors que je suis contraint? Voyez donc que cette croyance est une croyance insensée que eux-mêmes ne mettent pas en pratique dans leur quotidien. Et cette croyance n'est que la conséquence du fait qu'ils ont délaissé l'obligation de revenir au texte du Coran et de la Sunna, et qu'ils s'en sont remis, et qu'ils se sont reposés sur leur raison défaillante et leur pensée déviante. Wallahul musta'an. Et il est important de souligner ici qu'il n'y a pas de contradiction entre la foi au décret et au destin et l'accomplissement des causes. Le croyant croit qu'il ne peut rien se produire si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en parallèle de cela, il fait les causes de ce qu'il souhaite accomplir. Il fait les causes pour obtenir sa subsistance, il fait les causes pour se marier, il fait les causes pour avoir des enfants, il fait les causes pour faire du commerce, et ainsi de suite. Il fait les causes pour atteindre ses objectifs, tout en ayant la ferme conviction que ceci est décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il ne délaisse pas les causes en disant « Tout est décrété, donc » j'attends ce qui m'a été décrété et je ne fais rien. Ma subsistance m'a été décrétée, donc je l'attends. Le mariage m'a été décrété, donc je l'attends. Et ainsi de suite. Ceci est insensé. Est-ce qu'un homme peut avoir des enfants sans faire les causes pour cela? Non, il est indispensable de faire les causes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété les choses et il a décrété les causes pour atteindre ces choses. Donc le serviteur se doit d'accomplir les causes pour atteindre ses objectifs. Et nulle personne sensée ne prétend qu'il peut rester sans rien faire et attendre ce qui lui a été décrété. Même les oiseaux et les animaux, comme il est venu dans le hadith, de par leur saine nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, ils recherchent leur subsistance et ils font les causes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous aurait accordé votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils sortent le matin affamés et ils rentrent le soir rassasiés. Médite sur cela, l'oiseau, il ne reste pas dans son nid à attendre. Mais le matin, il sort, il vole, il cherche sa nourriture. Et le soir, il retourne à son nid, il retourne à l'endroit où il dort, alors qu'il est rassasié. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la subsistance qu'il lui a décrétée. Mais cet oiseau, il a fait les causes pour l'obtenir. Il a volé, à la recherche de sa subsistance. Et de la même manière, se doit d'agir le serviteur. En faisant les causes, pour atteindre ses objectifs, tout en plaçant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et en ayant la ferme conviction que rien ne lui arrivera si ce n'est ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a décrété. C'est-à-dire que tu as la ferme conviction que ces causes, elles n'auront pas forcément donné de résultat. Car tout est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais tu te dois de les accomplir. Tu recherches ta subsistance, tu fais les causes pour atteindre les objectifs que tu souhaites atteindre, et ainsi de suite. Car la croyance au destin n'implique pas le délaissement des causes. Le croyant doit donc faire les causes pour atteindre ses objectifs. Si son objectif est atteint, alors il loue Allah subhanahu wa ta'ala et le remercie. Et si son objectif n'est pas atteint, il agrée ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété. Et il se soumet à ce décret sans s'indigner ni être contrarié. Telle est la croyance correcte que se doit d'avoir le musulman vis-à-vis du destin et des causes. Enfin, la cinquième question que l'on va voir concernant la foi au décret et au destin, ce sont ses bénéfices. Quels sont les bénéfices pour le croyant de la foi au décret et au destin? Le premier bénéfice et le plus immense est qu'en ayant foi au décret et au destin, tu vas compléter la foi aux six piliers de la foi. Car on a vu dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini la foi comme étant le fait de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Le deuxième bénéfice duquel le croyant va profiter en ayant foi au décret et au destin, c'est qu'il ne va pas se soumettre à ses appréhensions et à ses inquiétudes, mais il va avancer et faire les causes pour atteindre ses objectifs, en ayant la ferme conviction que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété se produira, et ce quoi qu'il arrive. Même s'il a des inquiétudes, même s'il a des appréhensions, ceci ne va pas l'empêcher de faire les causes pour atteindre ses objectifs, et de faire les causes pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Médite à ce sujet sur ce qui est mentionné au verset 168 de Sourate Ali Imran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit la situation des hypocrites le jour de la bataille de Uhud. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. Ceux qui sont restés dans leur foyer dirent à leurs frères, s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. C'est-à-dire qu'ils pensaient que ceux qui s'étaient fait tuer au combat, s'ils leur avaient obéi, qu'ils n'étaient pas partis au combat, ils n'auraient pas été tués. Allah subhanahu wa ta'ala les réfute ensuite en disant, قل فدرأوا عن أنفسكم الموت. In kuntum sadiqin. Dis, c'est-à-dire dis, ô messager d'Allah, dis-leur, écartez donc la mort de vos propres personnes si vous êtes véridiques. Si vous êtes véridiques, et qu'en restant dans vos foyers, vous êtes sûr d'éviter la mort et de ne pas être tué, alors écartez la mort de vos propres personnes. On voit donc à travers ce verset que le fait de partir au combat, le fait de partir à la guerre pour celui qui est concerné par cela, cela ne veut pas nécessairement dire qu'il va mourir. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas décrété de mourir, il ne mourra pas. Car ceci n'est qu'une cause. Et méditez à ce sujet sur la situation du noble compagnon Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu. Lorsque la mort lui est venue, il a dit « Il n'y a pas une partie de mon corps sans que celle-ci n'ait été touchée par une blessure. » Son corps était recouvert de blessures radiyallahu ta'ala anhu. Car il a participé à de nombreux combats sur le sentier d'Allah. Et il espérait mourir au combat. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas décrété cela. On voit donc que la mort ne peut atteindre la personne que si Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété. Et le fait d'avoir la certitude de cela, ça va pousser le croyant à être courageux. Et à faire face à ses inquiétudes, et à faire face à ses appréhensions. Il avance dans ce qui lui permet d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il place sa confiance en son Seigneur tout en accomplissant les causes légiférées. Et il sait que rester à ne rien faire ne va pas forcément le préserver des ennuis et des méfaits. Certaines personnes, parfois, elles ont peur de faire le bien. Et elles pensent qu'en restant chez elles, en ne se mêlant de rien, elles n'auront jamais de problème. Or, cela est faux. Rien ne t'arrivera en dehors de ce qui t'a été décrété. Et où que tu sois, ce qui t'a été décrété t'arrivera. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَارَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ » dit « Même si vous étiez dans vos maisons, ceux pour qui la mort était décrétée seraient sortis pour l'endroit où la mort les attendait. » Ils seraient sortis pour l'endroit où la mort les attendait. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala au verset 78 de Surat An-Nisa أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Où que vous soyez, la mort vous atteindra même si vous étiez dans des tours imprenables. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété arrivera inévitablement. Certaines personnes, parfois, elles vont retarder la hijra, par exemple. Pourquoi? Par peur de la pauvreté, par peur de la maladie, sous prétexte que les hôpitaux ou je ne sais quoi ne seraient pas autant développés que dans d'autres pays, ainsi de suite. Oublions que si Allah subhanahu wa ta'ala veut éprouver un de ses serviteurs par la maladie, il l'éprouvera quel que soit l'endroit où il se trouve. Donc le fait de craindre cela relève en réalité d'une faiblesse dans la foi au décret, au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une faiblesse dans la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui parfait sa foi au décret, au destin, il s'écarte de toutes ses appréhensions, il s'écarte de toutes ses inquiétudes, il fait les causes lui permettant d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il place sa confiance en son Seigneur. Et il sait que il ne lui arrivera que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété. Le troisième bénéfice de la foi au destin est que lorsqu'il t'arrive un malheur, tu ne t'indigneras pas et tu ne seras pas contrarié, car tu auras la ferme conviction que ce malheur ne t'a atteint que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, son décret et son destin. Donc ceci va te faciliter et t'aider à faire face aux difficultés, à ne pas t'indigner, à ne pas te révolter contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le font certaines personnes qui vont se frapper le visage, déchirer leurs vêtements ou prononcer des paroles qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le croyant, il patiente et il espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala lors des difficultés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Baqara, « وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ » et annonce la bonne nouvelle aux endurants. Qui sont les endurants? « الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً » ceux qui, lorsqu'un malheur les atteint, « قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ » ils disent « Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. » Ils se rappellent que ce qui leur arrive ne leur arrive que par décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet « Oulaïka alayhim salawatum min rabbihim wa rahma wa oulaïka humul muhtadun » ceux-là reçoivent des prières de la part de leur Seigneur et une miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Ceux qui patientent, qui ne s'indignent pas, ne sont pas contrariés, ne se révoltent pas contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne disent pas « Si je n'avais pas été là-bas, ceci ne me serait pas arrivé. » Si un tel n'était pas venu, ceci n'aurait pas eu lieu. Si je n'avais pas fait ce choix, ceci n'aurait pas eu lieu, ainsi de suite. Non. Ils savent que ce qui leur arrive a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils patientent. Et ils espèrent la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne font pas comme ces personnes qui aujourd'hui, comme on l'entend, lorsqu'ils sont dépassés par les épreuves et qu'ils sont touchés par de nombreuses difficultés, ils mettent fin à leur jour, wal'iyadu billah. Le suicide est une chose qui est très présente chez les mécréants. Pourquoi? Car ils ne croient pas au décret et au destin. Donc, lorsqu'ils sont submergés par les difficultés, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas à y faire face, donc ils se suicident. Mais le croyant, qui a parfait sa foi au décret et au destin, il ne peut pas commettre cela. Car il sait que ce qui lui arrive est décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sait que, avec la difficulté vient la facilité. Il sait que le secours vient après les épreuves, et ainsi de suite. Donc il patiente. Et il sait que s'il patiente, il obtiendra une récompense immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ses difficultés sont passagères. Et que s'il patiente, il trouvera un repos éternel auprès de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le croyant fait aisément face aux difficultés qu'il affronte dans ce quotidien. Et ce, en perfectionnant sa foi au décret et au destin. On a donc vu ces cinq points de manière résumée. Et il suffit aux musulmans de croire en ce que l'on a mentionné, de faire des efforts pour le mettre en pratique dans son quotidien, en plaçant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, en faisant les causes pour atteindre les objectifs de bien qu'il souhaite atteindre, en faisant les causes pour délaisser ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala, et également en faisant face aux épreuves et aux malheurs qui lui arrivent, en étant endurant, en faisant preuve de patience, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne pas chercher à approfondir de manière détaillée ce qui concerne le décret et le destin, car le fait de se poser trop de questions à ce sujet peut mener le serviteur à l'égarement, car, comme vous l'avez entendu, le destin et le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Donc, pourquoi rechercher une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a cachée? Il nous suffit de croire en tout ce que l'on a mentionné parmi les textes du Coran et de la Sunna à ce sujet. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on verra dans le prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala, les prochains vers dans lesquels l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné quelques événements liés à la foi au jour dernier. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.